Vous marchez en pleine campagne et soudain le ciel devient noir. Pas de doute possible, l'orage arrive. Aurez-vous le temps de gagner le village le plus proche? Ce n'est pas certain. Surtout, si vous êtes au milieu d'une vaste plaine dans l'abri. En tout cas, vous êtes au tout début d'une aventure étrange. Michael Delmotte adore les grandes balades à pied. Parfois, pour le plaisir, il chausse ses gros souliers de marche, attrape son McFarlane et le voilà parti. Il a repéré un village à 10 kilomètres de là, mais cela ne lui fait pas peur. 2 heures de marche en pleine nature. Une fois arrivé à destination, il fait un tour dans le village, visite l'église, boit un verre de Vichy au café du coin et revient, de préférence par un chemin différent. Si je suis trop fatigué, il y aura peut-être un autocar pour me ramener, ou bien je trouverai un taxi, ou bien je ferai du stop. Michael Delmotte passe de longues heures à marcher dans la nature. Mais ce n'est pas du temps perdu. Michael est écrivain et c'est au cours de ses longues promenades solitaires qu'il construit l'intrigue de ses romans. Sans être l'un des best-sellers à la mode, Michael parvient, bon an, mal an, à des tirages très honorables qui font le bonheur de son éditeur et lui permettent de vivre confortablement. C'est vraiment un très joli coin. Un de ces jours, il faudra que je vienne passer une quinzaine ici. Il peut bien y avoir une auberge au bord de l'eau. Je pourrais même demander à Suzanne de m'accompagner. Suzanne Ballanguer, une décoratrice à la mode, est l'éternelle fiancée de Michael. Voilà 15 ans qu'ils se connaissent, se fréquentent. Suzanne aimerait beaucoup devenir Madame Delmotte, mais Michael recule toujours cette éventualité. Michael revoit la dernière soirée qu'ils ont passée ensemble il y a tout juste une semaine. Il lui a dit avec un certain cynisme, « Ma chérie, nous nous entendons si bien, chacun chez soi, et on ne se retrouve qu'au moment où nous en avons tous les deux envie. Cohabiter à longueur d'année, à quoi bon? Nous avons passé l'âge d'avoir des enfants. Quand nous serons bien vieux, le soir à la chandelle, comme dit le poète, peut-être. » Suzanne soupire comme d'habitude. « Tiens, en attendant, j'ai un petit cadeau pour toi. » Elle glisse entre les mains de Michael un petit paquet bien entouré d'un petit ruban. Il l'ouvre, à l'intérieur, 6 mouchoirs brodés. « Suzanne, c'est toi qui as brodé tout ça ?»« Oui, regarde, ils sont tous différents. » Tu sais que ça porte malheur de faire des mouchoirs. Tiens, voilà une pièce de 5 francs en échange. C'est pour conjurer le sort. Les mouchoirs portent chacun un petit symbole brodé, un revolver, un sabre d'abordage, une lance, un arc, un poignard, un chrismalé. Chacune de ces armes symbolise un des romans d'aventure de Michael. Michael marche donc dans la campagne. Quand il lève les yeux au ciel, de gros nuages noirs envahissent l'horizon en venant de l'ouest. Oh, j'ai l'impression que ça va dégringoler. Michael presse le pas. Mais pour l'instant, il est désespérément isolé au milieu d'une plaine à blé. Il y a bien un gros arbre. Mais si l'orage éclate, il est tout à fait déconseillé d'aller s'abriter sous un arbre isolé. Il faut que j'arrive au petit bois qui est un peu plus loin. Il n'y a pas plus d'un kilomètre en courant un peu. Michael adore marcher, mais il déteste courir. Enfin, il s'élance. D'ailleurs, le vent s'est soudain mis à souffler, pas de doute. L'orage est tout prêt. En arrivant au petit bois, Michael cherche du regard s'il n'y aurait pas un abri un peu solide. La pluie commence à tomber dru, de grosses gouttes chaudes. Oh là, cette vieille baraque! C'est tout à fait ce qu'il me faut. En effet, un vieux bâtiment à un seul étage est là. De toute évidence, il est abandonné. L'entrée est surmontée d'une belle voûte en plein cintre. Un ogive de très belle qualité. La pierre blanche s'orne d'un motif sculpté d'une grande élégance, un serpent qui ondule. Michael se dit « Bigre !» On dirait bien un bâtiment roman. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Bizarre que ça ait l'air tellement abandonné. Le motif du serpent est superbe. Qu'est-ce que ça peut symboliser? Le diable, peut-être. L'étage supérieur du bâtiment est orné d'ouvertures étroites, presque des meurtrières. Le toit couvert d'ardoises se perd dans les frondaisons. Michael pense. On dirait un ancien bâtiment des Templiers, une ferme fortifiée. Il faudra que je regarde sur mon guide. Ça doit bien être répertorié. Mais pour l'instant, l'orage déferle carrément sur tout le paysage. Michael a le visage trempé de pluie. Derrière lui, la porte est un épais panneau de chêne. Michael, à tout hasard, appuie sur l'anneau qui est au milieu du panneau. La porte ne résiste pas à sa poussée et s'ouvre sans le moindre grincement. Michael n'hésite pas et entre. D'un seul coup d'œil, il voit que le bâtiment est depuis longtemps déserté. En fait, il s'agit d'une sorte de grande salle, des murs de pierre. Au niveau du premier étage, une galerie intérieure en bois. Pour accéder à la galerie, deux volets d'escalier qui partent du rez-de-chaussée. Sur la galerie donnent plusieurs portes. La pièce est assez obscure. Elle n'est éclairée que par une grande meurtrière. Michael se dit, bigre, c'est superbe. Je me demande à qui ça peut appartenir. Ah, si par hasard c'était à vendre, je crois que je ferais bien une folie. Ça a une allure folle. Suzanne en ferait un truc superbe, avec des tapis d'Orient, des lampes basses, une cheminée centrale qui monterait jusqu'au toit. Michael est tout heureux de sa découverte. Et en plus, il est heureux d'échapper à l'averse. Il sort un mouchoir de sa poche, celui sur lequel Suzanne a brodé un petit poignard, et il essuie la pluie qui lui a mouillé le visage. Je vais aller voir là-haut ce qu'il y a derrière les portes qui donnent sur la galerie. Il doit y avoir de quoi faire des chambres d'amis et des salles de bain. Mais soudain, alors qu'il va atteindre le niveau du premier étage, la foudre tombe tout près. Un éclair illumine toute la pièce. Michael s'arrête, cloué sur place par la surprise. « Oh, pardon, monsieur, excusez-moi. Votre porte était ouverte, je suis entré 5 minutes pour me mettre à l'abri de l'orage. Je ne voudrais pas vous déranger. » Un inconnu est penché à la balustrade de la galerie. Cet homme à qui Michael présente ses excuses est barbu, porte une chemise blanche à manches bouffantes. Michael ne saurait dire s'il s'agit d'une chemise de nuit, car il ne voit que le buste de l'inconnu. Un inconnu qui garde un silence peu amical. Michael dit « Vous êtes sans doute le propriétaire de cette maison. Elle est magnifique !» L'autre le regarde sans répondre. C'est comme s'il n'avait pas entendu Delmotte. Il se contente de le fixer de ses grands yeux noirs surmontés de sourcils très épais. Et le regard qui transperce Michael n'a rien d'aimable. On dirait qu'il veut le foudroyer sur place. Michael, qui se paie d'audace, et demande « Vous ne seriez pas vendeur, par hasard ?» Le temps de monter une marche supplémentaire de l'escalier, et l'homme a disparu. Pas un bruit, pas un grincement de porte ni de plancher. Michael lance « Monsieur ? Monsieur ? Vous êtes là ?» Soudain, il se sent bizarrement mal à l'aise. Il se dit et s'il était allé chercher son fusil ? Ou bien s'il lâchait un chien à maître Rousse ? Vraiment, ce bonhomme n'est pas du tout sympathique. L'orage semble avoir cessé et Michael décide de quitter les lieux. « Bon, je reviendrai une prochaine fois, il sera peut-être de meilleure humeur. » Au dehors, un magnifique arc-en-ciel illumine le paysage. Un dernier regard au vieux bâtiment et Delmotte reprend sa route. En arrivant à l'auberge, il prend une douche, change de vêtements, et c'est alors qu'il fait une constatation déplaisante. « Ah, le mouchoir de Suzanne, je ne l'ai plus, quelle barbe !» Voyons, je l'ai sorti de ma poche en entrant dans la commanderie. Car Michael a d'ores et déjà décidé que la vieille bâtisse ne pouvait être qu'une ancienne commanderie des Templiers. Je me suis encore essuyé le front avec le mouchoir au moment où j'arrivais à l'étage. Bon, j'ai dû faire tomber le mouchoir chez le barbu. Eh bien, ça me fera un but de promenade. S'il est de bonne humeur, le barbu me permettra peut-être de chercher mon mouchoir, ou bien il l'aura déjà trouvé, et puis nous reparlerons d'une vente éventuelle. Et Michael repart à pied pour une longue promenade qui doit le conduire à la vieille demeure avec sa porte romane. Une fois parvenu au bois, Michael Delmotte a un peu de mal à s'orienter. Mais où était cette baraque ? Pourtant, voyons, je suis arrivé de l'autre côté. Et dès que j'ai pénétré dans le petit bois, la maison était tout de suite à ma droite. Michael fait entièrement le tour du bois. En vain. Il en vient à se demander s'il ne s'est pas trompé de bosquet. Mais non, il reconnaît une barrière vermoulue et toute déglinguée qu'il avait remarquée la veille en arrivant. Soudain, Michael sent un frisson lui courir le long de l'épine dorsale. Il vient de retrouver la maison, ou du moins ce qu'il en reste. Mais ce n'est pas possible. Là, au milieu d'un fourré, Michael voit la porte romane, seule, isolée. Rien ne reste des murs. Rien ne reste de l'épaisse porte en chêne qu'il a poussée hier. Simplement une porte romane, toute seule, au milieu des ronces et des orties, avec un très joli dessin sculpté en forme de serpent. Aucun doute, c'est la porte de la maison. Mais la maison n'existe pas, la maison n'existe plus. A-t-il rêvé la galerie et les portes et les chambres et l'étage? A-t-il rêvé l'homme barbu à la chemise blanche avec des manches bouffantes? Ou bien existe-t-il deux portes romanes semblables dans ce bois? Michael se dit, est-ce que j'aurais tendance à devenir fou? Ai-je été frappé par la foudre? À moins que je ne sois passé dans une autre dimension. Il sent soudain une bouffée de chaleur et la sueur se met à perler sur son front. Instinctivement, il fouille dans sa poche pour chercher un mouchoir. Ah, le mouchoir de Suzanne. Si je l'ai bien utilisé hier, c'était de l'autre côté de la porte romane. Mais comment aller y voir avec tout ce fouillis de ronces? Michael n'a pas besoin de franchir la porte au serpent sculpté. Il aperçoit soudain le joli mouchoir brodé par Suzanne. Mais comment faire pour aller le récupérer là-haut? Effectivement, le mouchoir est là-haut, suspendu à une branche de chêne, à la hauteur d'un premier étage. À la hauteur exacte où Michael se souvient de l'avoir utilisé la veille, en arrivant au premier étage de la galerie qui n'existe pas.